Faut dire que je m'étais bien habitué à ses idées farfelues, à son caractère entier et à son joli petit cul. Chose est sûre, c'est que mère nature sur son berceau s'était penchée. Ma fille, ton cœur sera pas très pur, mais tu seras vachement bien gaulé. Ma jolie petite traîne s'est fait la malle avec mon cœur et mes étrennes. Maintenant je fais du vélo en salle dans un club med gym de la rue de Rennes. Je sais pas danser, je vais pas au bal. Elle aimait ça, y'avait pas de mal. Alors souvent le soir elle sortait avec Étienne, son ex-fiancé. Qu'est-ce que tu voulais que j'y fasse? J'allais quand même pas l'empêcher. Dans mon cœur y'avait pas de place pour y mettre de mauvaises pensées. Ma jolie petite traîne s'est fait la malle avec mon cœur et mes étrennes. Maintenant je fais du vélo en salle dans un club med gym de la rue de Rennes. Moi j'aimais le sport, j'aimais le grand air, je faisais la course avec mes frères. Pendant des heures autour de Longchamp, je tournais en rond forcément. Que je l'aimais ma petite reine, elle a vendu mon beau vélo. Elle est partie avec Étienne, elle a fait tout ça dans mon dos. Ma jolie petite reine s'est fait la malle avec mon cœur et mes étrennes. Maintenant je fais du vélo en salle dans un club med gym de la rue de Rennes. Je vais quand même pas tirer une balle, y en a plein d'autres des petites reines. J'en connais une qui me trouve pas mal dans un club med gym de la rue de Rennes. Tu sais, un jour j'irai au bal quand je me serai remis en selle. Il faut danser, c'est capital, si tu veux pas voir filer ta belle.